Ainsi se termine votre nuit rêvée, Pierre Assouline, nuit au cours de laquelle nous avons pu entendre Georges Simenon, une tribune de Paris consacrée à l'Angleterre et à la Fédération Européenne, puis des entretiens avec Daniel-Henri Kahnweiler, puis Ainsi va le monde, la Chine telle que je l'ai vue, Hong Kong et Shanghai par Samy Simon en 1948, puis une conférence de Trevor Roper sur Winston Churchill, puis une émission de Robert Mallet qui interviewait Gaston Gallimard dans l'émission Vocation, c'était sur France 3 Nationale en 1959, un sur les docks Tolède ou la nostalgie de Séfarade par Patrick Pépin qui renvoie à votre livre Retour à Séfarade qui est republié en folio, et à l'instant donc Antoine Blondin dont vous nous avez raconté il y a quelques heures les prémices, non pas de cette émission puisqu'il était au micro de José Pivin, mais en tout cas les prémices de votre à voix nue et puis du livre que vous avez écrit avec lui. Alors le roman dont on parle abondamment mais que l'on n'épuise pas, Tu seras un homme, mon fils, publié chez Gallimard, a pour personnage principal, alors deux personnages principaux, Kipling, et puis Louis Lambert. Louis Lambert, c'est l'invention de Pierre Assouline. Il a donc le projet, il tourne autour de ce projet de traduire ces poèmes mondialement connus, If, que l'on a pu entendre en anglais tout à l'heure, que l'on a pu entendre aussi en français, lu par Gérard Roury, dans une traduction que vous détestez, d'André Mauroy, en tout cas que votre personnage déteste, que vous trouvez une trahison. Mais c'était une adaptation. Alors, Louis Lambert, lui, il passe sa vie, en somme, à vouloir traduire une quarantaine de vers. Et vous allez quand même nous lire cette... Je ne vais pas y échapper. Hein. Non, mais vous ne devez pas, et on l'attend. Si tu peux garder ton calme quand tous autour de toi le perdent et te le reprochent, si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi, tout en tenant compte de leur scepticisme, si tu peux attendre sans te décourager d'attendre, ou quand on te calomnie, ne pas calomnier à ton tour, ou quand on te hait, ne pas haïr en retour, et cependant n'aie pas l'air trop bon, ni ne parle trop en sage. Si tu peux rêver sans être l'esclave de tes rêves, si tu peux penser sans faire de tes pensées une fin, si tu peux affronter victoire et défaite et traiter pareillement ces deux charlatans, si tu peux tolérer d'entendre ta vérité tordue par des arnaqueurs pour piéger des crétins, ou voir s'effondrer l'œuvre de ta vie et te courber et la rebâtir de tes outils usés, si tu peux rassembler en un tas tous tes gains et risquer ton va-tout à pile ou face, et perdre, et repartir de zéro comme à tes débuts, sans jamais souffler mot de ta perte, si tu peux imposer à ton cœur et tes nerfs et tes tendons de te servir longtemps, fussent-ils à bout de force, et ainsi de tenir bon quand toute énergie t'a déserté, excepté la volonté qui leur dit « tenez bon ». Si tu peux t'adresser aux foules et garder ton intégrité, ou accompagner les rois en sachant rester simple, si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre, si chacun compte pour toi mais aucun ne compte trop, si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru, à toi la terre appartient et tout ce qu'elle contient. Et, mieux encore, tu seras un homme, mon fils. De Rudyard Kipling, traduit par Louis Lambert. Louis Lambert étant le personnage de votre roman, Pierre Assouline, Tu seras un homme, mon fils, publié chez Gallimard, dont nous avons parlé au cours de votre nuit rêvée. Nous avons parlé aussi de Retour à Séfarade, publié en folio. Alors, en fait, là, Louis Lambert, Pierre Assouline, il a voulu donner la meilleure traduction, comme il a voulu donner la meilleure ou la première biographie de tel ou tel personnage. Il y a quand même une espèce d'orgueil. Oui, une fierté. Hein. Oui. Et de l'orgueil, vous avez tout à fait raison, c'est le mot. Mais je peux comprendre. Quand on se voue à quelque chose, à une œuvre, ben on se tire vers le haut et on veut atteindre l'excellence, tout en sachant qu'elle est inaccessible. parce que on n'est pas aux Jeux Olympiques, hein, il n'y a pas de meilleur, ça n'existe pas. Là, s'il y a bien une chose qu'il faut bannir dans toute expression artistique, à mon sens, c'est la perfection. L'idée de perfection, il n'y a pas de perfection. Donc le poème n'a pas atteint la perfection dans sa traduction, tout simplement parce qu'elle n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de critère de la perfection. Bien. Mais écoutez, en tout cas, on ne peut que conseiller ce roman dont on a beaucoup parlé et dont les auditeurs ont beaucoup à apprendre encore, en tout cas. Et puis de lire Retour à Séfarade qui est publié en folio. Merci Pierre Assouline. Merci Philippe Garbi. Pour votre nuit rêvée. Philippe Garbi, Jean-Guy Lamège, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, eh bien, très bonne journée à toutes et à tous. Et évidemment, toutes ces émissions et nos entretiens sont à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture. France Culture, évidemment. Vous suiviez donc. À bientôt et merci. À bientôt.